Nambal, my mama, la stuve, my mama, titi bloke, my mama, non bole wo, my mama, ti pafle la ke, my mama, la me vinweli, my mama, la me vexe, my mama, la me tombe bre, my mama, la me vingri, my mama, le pe pante, my mama, kikiye, my mama, kikiye, my mama. C'est ton camarade qui te gagne madame ni. Monsieur remet madame dans pile. Mais monsieur mène un bac dit, j'en veux qu'on dit ou. Pour madame ni pas balti coup de main, vous comprenez? Parce que mon soir un système de boutons dit, j'en branché, yo changé ou. Allez, qu'il ou pas gagne l'autre non? Incapable. Hein? Mais depuis monsieur marié avec madame ni, c'est un bel job. C'est un bel apprêtement la touché. Tout ça que nous c'est tout en paix. Tout ça le possède, c'est tout en paix. Paix cabane, paix matelas, paix frigidaire, paix radio, paix réchaud, paix bonne, paix gérant. Tout ça, c'est possédé, c'est tout en paix. Même si le bonjour, il n'est pas de la travail, il la caille, il a pas plaisir. Patron dit, ah, next up, bam, traka. Si je ne vais pas dégager, je révoque, monsieur, le travail ne va pas marcher. Le lendemain, c'est descendre dans le travail. Paraît qui paraît, patron, fais l'observation. Monsieur vexé, monsieur viré d'eau, il dit le travail là. La caille. Les rivets dit, chéri. Vous connaissez évoqué Marie ou si a dit à faire évoquer à sa séance. C'est sorti n'importe ça ou apporter n'importe ça. Parce que j'ai un garçon capable de travailler. N'a pas de travail pour parce que j'ai un garçon capable. Oh mais ça fait femme dans le répondre de ces gens. Mais pas parce que Fia connaît, c'est qu'on t'y fond de réserve dans le cas, $800 dans le cas là. C'est ça qui fait répondre, c'est comme ça. Mais si tu ne connais pas, tu es 16 centimes, tu es tout le monde. Qu'on bouteille, température a changé. C'est pas ta même bagaille. Hein? Oh, il y aurait été là, arrêté là. Il y a un misé dans le petit fond de réserve, il y a mangé, à manger. Petit fond de réserve, la vie est finie. Et puis, je ne sais pas, quand on a réglé la caille, il y a un campé, la brade en haut, la brade en bas. Pour le petit bol d'affaires, pour la réussite, pour le pot de la caille. Oh! Il y a des gars dans le jour, pas comprendre nos matins. Quel papa est là, je m'en vais, pas comprendre, nous dit, nous soit fait comme ça. Je dis, ma chose, malhonnête. Pourquoi nous avons des fonds de réserve? Réserve a fini par gagner, comme fini de manger. Il y a des babes, c'est qu'on est. Parce que moi-même, depuis à la télé, comme ta maman, je me suis toujours sans pas manger. C'est dans mon sel, ma vie subit la caille ça. Et maman te parle, moi. Maman te dit, Maria, si tu es enterré, ça, je vais le faire. Là où est mon jour. Et sa maman me dit, non, c'est ça. Je dis, ma chère, bon, pas que l'autre problème pour le faire. Étant donné tout le bagage dans la caille sans paix, n'a pas un peu bagage, je comprends, n'a dégagé nous. Après ma travail, mes garçons, n'a remplacé nous. Il y a dit, pas de vendre, pas de vendre. Yo a les pères abonnés, yo vendre. L'argent passé. Yo a les pères matelas, ils vendent. L'argent passé. Yo a les pères frigidaires, ils vendent. L'argent passé. Yo a les pères radio, ils vendent. L'argent passé. L'arrivée même, révoquer pères bonnes. C'est lui-même qui a fait manger la déguilé. Il révoque le père gérant. C'est lui-même qui a séclé la boule. Ah, tout le bagage dans la fin, il n'y a rien encore dans la caille. Il y en a gardé là. Oh, pour l'autre moment, maîtresse qui a l'apparaît, il demande de l'argent caille. Pas que c'est comme dans la caille pour payer. Oh, je dis ma boîte caille. Mon vieux caille pour appel. Ma première tout vieux caille, quand tu as promené sous moi, ma boîte caille. Les grands petits jours pas sous côté, tu as loué jour pas. Mais depuis que je suis entré dans la caille, j'entre avec un tinal. Avec un tinal bobèche. Mais toute la nuit, fille a passé à dormir. Fille a prié, oh bon Dieu, quand elle est cassé, elle a sauvé moi. Quand elle est jolie, elle a trouvé moi, même Esther, papa dormi sous nan. Tinal bobèche de bon moi. Vous savez, maman paraît pour loué, mais elle a mis la saladie. Elle n'est pas allé moi. Mais le patron, je suis très bien carbone, non, pas frigide, non. C'est pas dans le son là, maman, la prépète vieux bagages ça. Oh! Et puis, je l'ai fait sortir. Là, je suis sorti, papa, je l'ai dégagé dans la rue. Et puis, je suis rentré avec mon camarade. Comme on a dit, je ne sais pas ce qui passé. Je dis, mon chauffeur, pas mon papa, de nos vieux jobs, pas moi, pas mes formes tête, moi, je révoque, moi. Ils ont bien dit, mon cher, maintenant, des jobs là, papa. Laissez-moi le mettre au nom. Là, avec Joe, il mettait Joe dans le travail là. Oh, Joe voulait, Joe vient moi, Joe touche en moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Là, il veut dire, chérie, mais Joe Marie, oui. Et a vu les filles qui lui parlent pour démonter, ni descendre. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui. C'est ma route, Joe. Nous sommes touchés, nous sommes passés faire provision, mais reste l'argent pour le baou. C'est alors qu'il a levé, il a gardé Joe, et puis il a embrassé Joe, et puis il a dit que je suis en bouillie Joe, la bras est dit la scao Joe. Vous comprenez? Aïe aïe aïe, ces jours-là, ils passent bonne journée, ils mangent correctement. Oh, trois mois pas passé, maman dit Joe, au point de s'en passer. A faire pousser moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a pu faire manger. Je ne suis pas encore non. Je ne pas encore. C'est pourquoi pas bon, mon bon. Je dis, ma chère, mon malhonnête. Pour moi, je vais te dire, ça me touche. Je comprends. Il va même assez pour nous vivre dans la caille. Pour moi, je 5, 6, 7, 8, 9 dollars là dans l'île. Mal payé au bon. Un bac est possible. Il a dit, je ne vais pas me connaître. C'est pourquoi pas bon, mon bon. Et puis, je vais vexer. Je dis, bon, bon, non, bon, bon. Maintenant, je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous La frère là, maintenant, il parle de travail. On va dire, t'en dedans. Si bonhomme, même ça, le fait trier pour aller maintenant, il fait. Il tue pour l'île trempée. La frie pour l'île. Joe, même a fait la navette pour cuisiner. Mais comme d'hab, si bonhomme, par contre, fait manger. Alors, après, t'es là, soi-disant, pour l'expliquer, si bonhomme, ça pour le faire. Si bonhomme, même intelligente qu'elle est. pendant que la fouille, li pronti sous coupe. Li pronti zizye, li met dans sous plat pour del badjo. Je dis wow, ma bonne augmentation, ma bonne augmentation, parce que moi pour faire travail. Si bon an de ben siye, ta kontan wip siye. Ay ay ay. Oh, tu as poule manje ti vant fri, ti vant fri. Non jou manan jo leve la fache veni. Et puis, jo chita wap cuisine. Ma kon sa passe jo, jo kon lo amoun don ki monte li. Li pop li vete mese ti bon nan. Li fou ekol an ba l'office la. Et puis ton ba fè ti bon nan radiografi. Radiografi, radiografi, radiografi. Men jo de kon ti piti gason li, ki etan ti bout chemisette. Il y a des petits cabrettes dans le menu, on va prendre un petit code là-dedans. Alors, il y a des virées, on a qu'à la brûler. Aoua, aoua, aoua. Et puis, j'ai petit tas tombé sous papa, en bas l'office, ça a fait un bon dans la radiographie. Pour qu'on t'y monde, petit tas, elle est wow. Mardi, mardi, mardi, mardi, mardi. Pendant ce temps-là, yo même besoin petit d'habiller ça le sous toi ni pour pas répéter ça ta prévédé ni pour petit d'habiller sous épaule lui il regarde notre idio m'a passé sous le football pour vous m'a mené à jouer dans Racine ou à venir jouer sélectionné ou à voyager ou à faire grand joueur tout pour n'avoir alors face au petit d'habiller capable bagaille là il traverse dans boutique en face d'aller acheter des petits sachets bonbons bonbon il chire des bonbons en plus pour mettre dans boutique idio idio m'a prendre les bonbons yam yam yam yam m'a dit Mati, Mati, Mati, Mati, Mati. Pendant ce temps-là, maman vient paraître. Maman dit Tijo, viens à côté de maman, ça gagne, viens dit maman, viens dit maman, ça passe. Je dis que ça passe, maintenant je m'en bagaille. Ouais, Tijo, si je quitte Tijo, demeure dans le cas avec vous. Tijo, pas qu'une façon. Petit à ma pète, il dit pas qu'une façon. Une série de bagages qui passent depuis des mois dans Kaila, ou après les petits là pour venir dire ou pour venir raconter ou. Ma petite qui pour dans un, dans tripotaille. Maintenant je dis, oui, imbécile. Petit là même qu'un même jazz là. M'a dit, m'a dit, m'a dit. À la fin, je vexé, je l'ai même vu non. Vin dit maman, dis maman ça passe à non. Une série de bagages qui passent depuis des mois dans Kaila. Depuis des mois, vous pensez que vous avez la photo, mais dis maman, dis maman, tout dis maman, puis dis dit maman, souwe, maman, souwe, maman, samedi, on t'a fait avec quoi, c'est l'autre jour, c'est le papa, ma fati bonne. Son cri montagne même à bas.